Bonjour à vous tous, nous sommes le 29 novembre 2018. Voici la grande édition de cette mi-journée. En voici le sommaire. Les victimes des inondations de la semaine dernière en commune Rumonge disent vivre dans de mauvaises conditions et réclament une assistance urgente. L'administration communale avoue son incapacité à pouvoir les aider. Et les études faites montrent que la lutte contre le sida a connu des avancées significatives, même s'il subsiste des catégories de personnes où la séroprévalence reste élevée. Nous aurons les explications du directeur adjoint du programme national de lutte contre le sida. Dans ce journal également, on parlera de l'éducation sexuelle avec ces femmes de la zone Bouyenzi qui apprennent aux autres quels comportements adopter face à leur mari. Des hommes apprécient positivement. Reportage à suivre, voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. La lutte contre le sida a connu une avancée significative dans notre pays et cela se révèle à travers les différentes études déjà faites. Ce sont les propos du directeur adjoint au programme national de lutte contre le sida au sein du ministère de la Santé publique. Il l'a dit au cours d'un atelier des journalistes de ce mercredi. Richard Manelakiza fait savoir que même si la situation se présente ainsi, il ne faut pas ignorer qu'il y a des catégories de personnes où le taux de séroprévalence reste élevé, comme les prostituées et les drogués. Il appelle toute personne à contribuer afin de mettre fin à cette pandémie qui menace certaines catégories de la population. Suivez-le au micro de Marie-Claire Cazeneza. Nous nous réjouissons du pas déjà franchi en matière de lutte contre le VIH-SIDA. Je me réfère aux différentes études qui ont été menées dans notre pays. En 2007, l'étude de séroprévalence a révélé que 3,7% étaient séropositifs dans la population générale. 3 années après, on a mené une autre étude qui a révélé que 1,4% seulement au niveau de la population générale était VIH+. L'étude qui vient d'être menée en 2017 a révélé que 0,9% est le taux de séroprévalence dans la population générale au niveau national. Même si ce taux de séroprévalence dans la population générale est moins de 1%, le taux reste élevé si on entre dans les détails, dans différentes catégories des populations. Il y a des catégories qui sont beaucoup plus exposées que les autres. Au niveau des villes, le taux de séroprévalence est élevé par rapport au monde rural. J'aimerais ajouter aussi que le taux de séroprévalence reste élevé au niveau du sexe féminin si on se réfère aux chiffres qui nous ont été révélés par l'étude de 2017. C'est pourquoi nous sollicitons le concours des uns et des autres pour barrer la route à cette pandémie qui menace certaines catégories de la population. Santé toujours, tous les Burundais ayant l'âge compris entre 1 an et 29 ans sont appelés à répondre à la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque de sérogroupe A qui se tiendra sur tout le territoire national. Dans sa déclaration, le chargé du programme national élargi de vaccination a précisé que cette campagne de vaccination se déroulera du 4 au 13 décembre et sera faite par des personnes compétentes et formées pour cette activité. Docteur Olivier Nijimbere dément ainsi les rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux, comme quoi la campagne sera faite par des bleus en la matière. Suivez-le, il est au micro de Richard Kubgarugira. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida organise une campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque et sérogroupe A. Et ce sera du 4 au 13 décembre 2018. Et c'est une campagne qui est organisée pour assurer la prévention contre cette maladie, la méningite à méningocoque de sérogroupe A. Et ce que nous demandons à toutes les parties prenantes, en l'occurrence les médias, c'est de transmettre ce message, c'est d'appuyer dans la mobilisation sociale pour que et la population puisse répondre massivement et afin que nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés et de protéger la population contre cette maladie, d'atteindre au moins 95% de la population cible de cette campagne, c'est-à-dire une population âgés de 1 à 29 ans révolus. Et au niveau des sites de vaccination, sur tous les 2623 sites, il y aura au niveau de chaque équipe 3 vaccinateurs qualifiés et qui ont été formés et spécifiquement pour cette campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque. Il y aura aussi 2 personnels d'appui qui vont appuyer et pour faire le triage, pour faire le pointage et l'enregistrement de toutes les activités qui auront été menées au niveau de chaque site de vaccination. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une semaine après la catastrophe qui s'est abattue sur la ville de Rumonge, les victimes sans-abri disent vivre dans de mauvaises conditions et demandent l'assistance urgente. La commune de Rumonge reconnaît être limitée dans ses interventions et sollicite des appuis. Jean-Pierre Misako. Près des restes de sa maison au bord de la Mukirangabo, Joséphine semble avoir perdu la raison. Il en est de même chez Marie Nzeimana, assise au bord de la 8e avenue près de la Mukirangabo, en face des décombres de sa maison dans Virimba. Elle est venue tenter de récupérer les habits de ses décombres et elle est rentrée de la lessive aidée par ses 2 filles. Cette femme d'environ 70 ans dit migrer d'ami en ami pour être abritée la nuit avec ses enfants. Pour elle, c'est une vie dure dans la conjoncture actuelle de pauvreté qui sévit dans les ménages. Cette femme reconnaît avoir reçu une petite aide, mais l'important devrait être les abris. Ferdinand Yokindi, conseiller technique au développement de la commune Rumonge, dit que la commune a distribué les quelques vivres à sa disposition, mais que le gros reste à faire. C'est entre autres l'aide en matériel scolaire, en uniforme pour élèves, en moustiquaire, en tôle ou tente, en perche, en clou pour aider les victimes à se reconstituer un abri. Le bilan définitif des dégâts occasionnés par les pluies de ce jeudi 22 novembre 2018, tel que fourni par l'administration communale de Rumonge, fait état de 152 maisons détruites dans la ville de Rumonge et 12 autres en zone Kizuka. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Également dans l'actualité, 2,5 millions d'euros seront injectés dans 12 000 ménages des petits exploitants des communes Ruhororo et Gashikanwa de la province Ngozi, et cela pour une durée de 3 ans. Cela en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit dans ces 2 communes. Et ces fonds seront débloqués par l'ONG allemande, Action Agro-Allemande. Cette somme d'argent sera allouée en grande partie à l'octroi des semences sélectionnées, à la création de 4 centres semenciers dans ces 2 communes, ainsi qu'à l'octroi des crédits aux ménages sans terre. De telles activités ont fait chuter le taux de malnutrition en province Ngozi, passant de plus de 70% il y a environ 5 ans à 58% actuellement, selon cette ONG d'origine allemande. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une fois n'est pas coutume, on passe à l'actualité internationale avant de revenir sur le reportage de Bouyenzi au Burkina Faso. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. L'on parle du dossier relatif au putsch manqué au Burkina. C'était en septembre 2015. Gilbert Diendéré, incriminé dans ce dossier, conteste l'authenticité d'une pièce du procès. Le parquet militaire a présenté une pièce à conviction contre le général Gilbert Diendéré. Un document retrouvé dans ses affaires selon le procureur qui a été produit 2 jours avant l'arrestation des autorités de la transition. Le document intitulé « Conseil patriotique national pour la démocratie » a été donc présenté ce mercredi par le parquet militaire pour expliquer que le coup d'État avait été prémédité. Son contenu est presque identique à la proclamation lue le 17 septembre 2015 pour annoncer la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie. En réaction, le général a refusé de s'exprimer au sujet de cette pièce utilisée contre lui. Il soutient cependant qu'il n'est pas l'auteur du dit document. Le général Gilbert Diendéré a vigoureusement rejeté le document. Il s'est abstenu de répondre aux questions du procureur en soulignant qu'il ne reconnaissait pas ce document et qu'il ne voulait pas en parler. Il existe des femmes formatrices d'autres femmes sur le comportement qu'il faut adopter face à leur mari. Nous sommes dans la zone Bouyenzi, à mairie de Bujumbura, et des filles qui désirent fonder leur foyer, apprennent à gérer et bien garder leurs futurs époux. Mais aussi des femmes déjà en couple, mais ayant des problèmes avec leur mari, ils vont pour s'y recycler et voir ainsi comment remettre les choses en ordre. La technique, on m'en fait signe que le reportage n'est pas malheureusement prêt. Mais sachez que certains hommes de cette zone de Bouyenzi apprécient positivement cette formation dont bénéficient ces femmes et ses futures épouses, précisant que cette formation contribue à bien entretenir leur foyer. Toutefois, ils regrettent que cette éducation ne soit pas donnée en premier par les parents de la fille. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous voudrez bien nous excuser pour ce reportage que nous n'avons pas pu avoir, mais ce n'est que partie remise. Rendez-vous à ce soir. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal avec intérêt. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitevotsi au micro Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne journée.